À propos de la décision des autorités japonaises de l'intensification de la sanction séparée contre la patrie socialiste, Ho Jong-man, président du présidium du comité central de l'Association générale des Coréens restant au Japon, a organisé le 2 décembre une réunion consultative du présidium. Les participants ont discuté des mesures résolues contre cette décision injuste et de la lutte de protestation sous forme variée contre les autorités japonaises à l'échelle de l'Association générale, suivant la position de principe de la patrie, précisée dans l'entretien du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée et la déclaration du Comité coréen pour la paix en Asie-Pacifique. Sur ce, le présidium du comité central de l'Association générale des Coréens au Japon a organisé le même jour à la Maison coréenne à Tokyo une conférence de presse. Y ont pris part les journalistes des presses japonaises comme les agences de presse Gyodo et Zizi, les journaux Mainichi Shimbun et Asahi Shimbun et la radio NHK, les correspondants de l'AFP, ainsi que les journalistes des presses de l'Association générale, notamment le journal Joseon Shimbun et le service de l'information de Corée. Nam Sung-woo, vice-président du Présidium, a lancé un entretien. Il a dénoncé que, suivant la résolution 2321 de sanctions contre la Corée adoptée le 30 novembre dernier par le Conseil de sécurité de l'ONU, le gouvernement japonais a décidé le 2 décembre, à la Réunion pour la sécurité nationale, la multiplication du nombre des objets de mesures d'interdiction de retour et du gel des biens qu'il a soutenus jusqu'à aujourd'hui, pour ainsi intensifier la sanction séparée contre la République populaire démocratique de Corée. Ensuite, il a exigé de l'actuel pouvoir d'Abe le retrait inconditionnel de la sanction anti-nord-coréenne et l'interruption immédiate de la répression politique de l'Association générale des Coréens au Japon, de la discrimination injuste de l'enseignement national et de la violation des droits des ressortissants coréens au Japon.